Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Des oscillations atmosphériques quasi quadriennales ont été observées sur Jupiter en infrarouge dès les années 80. C'est aujourd'hui par une étude approfondie et sur la durée d'un cycle complet que ces oscillations, nommées QQO, ont été étudiées. Elles révèlent que ces mouvements atmosphériques s'étendent en profondeur dans l'atmosphère jovienne et ont des points communs avec les phénomènes atmosphériques terrestres. Ce sont des différences de température atmosphérique qui permettent aux planétologues de suivre les mouvements de l'atmosphère de Jupiter. Ils utilisent pour cela des télescopes infrarouges, notamment l'IRTF de la NASA, Infrared Telescope Facility, et grâce à leur spectrographe de haute résolution nommé TEXES, Richard Constantino du Goddard Space Flight Center et son équipe ont ainsi réussi à caractériser ces mouvements dans leur structure en profondeur entre une pression de 0,1 hectopascal et 17 hectopascal. Là où les données antérieures n'existaient qu'à une altitude correspondant à une pression de 10 hectopascal. C'est un véritable jet stream que les chercheurs observent, qui s'avère assez semblable aux jet streams existants à l'équateur dans la haute atmosphère de la Terre. Chez nous, ces vents de haute altitude changent de sens environ tous les 2 ans, ces changements étant eux aussi accompagnés par des changements de température conséquents. Les astronomes ont observé l'évolution de ces mouvements de l'atmosphère jovienne durant un cycle complet de QQO entre janvier 2012 et avril 2016. Grâce à des simulations de l'atmosphère de Jupiter, Richard Constantino et ses collaborateurs parviennent ensuite à reproduire très fidèlement le comportement des oscillations de température observées, à la fois dans le temps et dans l'espace, horizontalement et verticalement. Sur la Terre, le phénomène d'inversion est appelé QBO, Quasi Biennial Oscillation. Il a une période de 28 mois exactement. Lorsque le jet stream équatorial s'écoule vers l'est, il est associé à des températures chaudes, et inversement, lorsqu'il s'écoule vers l'ouest, des températures plus froides sont à l'œuvre. Il semble que la phase de l'oscillation QBO soit intimement liée au transport d'ozone et de vapeur d'eau, ainsi qu'à la production de cyclones. Le phénomène sur Jupiter montre de fortes similitudes avec une période plus longue de 4 ans. Et Saturne aussi possède son oscillation, nommée LQPO, comme Quasi-Periodic Oscillation, mais à une période beaucoup plus longue, 15 ans. Ces nouvelles observations de Jupiter sont les premières à s'étendre sur une durée aussi longue et sur une aussi grande zone atmosphérique, des latitudes comprises entre moins 40 degrés et plus 40 degrés. Dans l'étude qu'il publie cette semaine dans le Journal of Geophysical Research Planets, l'équipe de Richard Constantino montre que le comportement du jet stream équatorial de Jupiter a pour origine très probable la présence d'ondes de gravité dans la haute atmosphère, qui sont produites par un phénomène de convection des masses gazeuses situées à plus basse altitude. D'après Constantino et ses collègues, ce sont ces ondes de gravité qui sont responsables de l'inversion de direction. Leurs simulations sont formelles. Sur la Terre aussi, des ondes de gravité atmosphérique sont mises en cause dans le comportement du jet stream, mais elles ne sont toutefois pas suffisamment puissantes pour en être la cause unique. Cette étude permet ainsi d'acquérir une meilleure compréhension des mécanismes et des phénomènes physiques qui agissent entre la basse et la haute atmosphère de Jupiter, et par extension de tout type d'atmosphère en général. Malgré les nombreuses différences existant entre les atmosphères de la Terre et de Jupiter, les mécanismes de couplage entre la basse et la haute atmosphère des deux planètes paraissent toutefois similaires, de quoi appliquer le modèle à tout type d'exoplanète possédant une atmosphère. L'article de Richard Constantino et ses collaborateurs est paru dans Journal of Geophysical Research Planets le 18 décembre 2017